Confrontation, mes premiers poèmes, l'hiver, de Léo Vernet, alias le Poète Noir. Recueil de poèmes publié aux éditions millepoètes.com, enregistré pour audiocité.net.